Rebonjour et merci d'être toujours fidèle à notre série historique en podcast. Alors la question est de savoir maintenant si Dagobert a été un bon ou un mauvais roi. On sait que ses rapports avec son père étaient plutôt très difficiles, et donc en tant que frère et en tant que fils, il était déjà, disons, d'un caractère compliqué, et donc pas forcément un futur bon roi. Mais on ne peut pas juger un roi en voyant son enfance. On sait d'ailleurs que Louis XI a été un fils particulièrement difficile avec son père, mais a été un très bon roi. Lorsqu'on parle de très bon roi, ce n'est pas forcément d'ailleurs des qualités toujours morales, mais c'est aussi des qualités professionnelles, si on ose utiliser un anachronisme. Alors, Dagobert, bon ou mauvais roi? Difficile de répondre à cette question. La réponse, en effet, varie en fonction de ceux à qui on s'adresse. On sait que Childebert II, qui avait tenté de centraliser le pouvoir à son profit par la remarquable décrétion promulguée en 595, était considéré comme un mauvais roi, ne respectant pas les libertés des grands ni des princes de l'Église. Dagobert a souvent été présenté comme un mauvais roi, associé à cette époque sombre du Moyen Âge, à cette lignée de Mérovingiens dépravés, polygames, cruels et injustes. Mais ceux qui ont contribué à lui donner une très mauvaise image sont principalement les grands du royaume, à commencer par ceux d'Austrasie ainsi que le clergé. Contre les grands, en effet, Dagobert multiplie les mesures pour tenter de saper leur pouvoir. Ainsi multiplie-t-il les immunistes. Qui sont les immunistes? Ce sont des laïcs ou des clercs qui se voient reconnaître le droit de juger directement les petits délits au nom du roi, sans être contrôlé par un grand, ou un de ses comtes, qui, depuis la décrétion de Clotaire, sont davantage au service des seigneurs que du roi. Les comtes redeviennent compétents, d'ailleurs, pour juger des crimes et délits graves. Mais en dehors des privilèges individuels impliquant des exemptions fiscales, dans certains cas, Dagobert ne peut empêcher l'inflation des impôts seigneuriaux. Puisque cette augmentation des impôts seigneuriaux accompagne en réalité une augmentation des prérogatives seigneuriales et une augmentation finalement de l'appropriation du pouvoir par les grands et les seigneurs, contre le roi malheureusement. Et ainsi, on voit apparaître donc la taille payée par les villageois afin d'assurer leur protection, le cens, une taxe préfixée et payable par les paysans tous les mois, le champart, loyer dû par les fermiers en échange des terres reçues du seigneur, les banalités qu'on prélève lorsqu'on utilise un four, un moulin ou un pressoir mis à disposition par le seigneur. Le système fiscal d'ailleurs reflète aussi la société très inégalitaire qui commence à se fixer. Ainsi, les serfs de servage, bien que dans une situation de quasi-esclavage, puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter la terre sur laquelle ils travaillent, doivent payer un impôt spécial au cas où ils veulent se marier un serf d'une autre seigneurie, le formariage. Ils sont soumis à des droits de succession vexatoires et exorbitants quand ils meurent, c'est le droit de main morte. De même, le serf doit-il payer l'impôt de forfuyance s'il veut quitter la seigneurie? À ce titre, le roi est considéré comme un seigneur quelconque, profitant de ce système souvent injuste. Son image se détériore donc assez vite, non seulement auprès des grands, mais aussi auprès des petits. Contre l'Église, Dagobert fait un relevé des possessions des couvents et inscrit plus de la moitié d'entre eux sur les registres du fisc royal. S'il est trop tôt pour parler de consentement à l'impôt, un principe fondamental de la fiscalité moderne, le pouvoir royal tente d'imposer l'idée que l'impôt d'église doit être accepté par le peuple et le roi. Il est vrai que le début du 7e siècle correspond à une multiplication des impôts d'église sur laquelle, là non plus, le roi n'a pas de maîtrise. Du côté de cette dernière, la dîme représente jusqu'à 13% des revenus. Elle est répartie en quatre quarts égaux, 25% aux évêques, 25% à l'entretien des églises, 25% aux pauvres et 25% au rachat d'esclaves. L'assiette de la dîme ne cesse de s'étendre, allant aux héritages, dîmes prédiales, aux fruits du travail et de la terre, dîme mixte, au blé et au vin, dîme grosse, au pois, fèves et lentilles, dîme verte, sans compter le casuel qui existe encore, prix réglementé pour la célébration des sacrements et rites, enterrements, mariages, messes pour un défunt, etc. Ce pouvoir de lever l'impôt reconnu à l'Église en raison des nombreux services qu'elle rend à la population la rend aussi impopulaire dans les régions pauvres. La dîme est en effet un impôt proportionnel qui ne prend pas en compte les différences de revenus d'une région à l'autre et elle est fixée souvent au niveau de la province ecclésiastique. On peut penser que si Dagobert a autorisé la fondation de nombreux couvents et abbayes, c'est probablement parce qu'il pensait que les couvents étaient de véritables centres de prospérité économique, gros employeurs, défricheurs, éducateurs, bâtisseurs, et qu'ils pouvaient évidemment prélever d'importants impôts. Et qu'en délivrant lui-même d'ailleurs l'autorisation pour fonder ces monastères, il pouvait dans un même temps les inscrire immédiatement sur le registre du fisc royal. Les avantages considérables faits aux moines de Saint-Denis, lieu où en raison d'une dévotion personnelle pour l'évêque Saint-Denis, Dagobert souhaitait se faire enterrer, n'empêcheront pas le clergé, peut-être pas les moines de Saint-Denis, il faut le dire, de donner de ce roi l'image d'un homme cupide, avide d'argent et de pouvoir. Son péché capital, pour beaucoup d'ecclésiastiques, a été de soumettre l'Église à l'impôt, bien plus que sa vie conjugale dissolue. Mais nous avons en mémoire cette musique, ce chant, sur le bon roi Dagobert. Et pour parler du bon roi Dagobert, il faut quand même avoir en tête que ce Dagobert correspond encore à une période, dirons-nous, prospère du royaume franc. Bien qu'elle se situe exactement au centre, en réalité, au milieu du règne mérovingien, c'est-à-dire à 120 ans après Clovis et 130 ans avant le dernier mérovingien. Alors pourquoi le roi Dagobert a été un bon roi? Machiavel, au XVIe siècle, reconnaît que la vertu essentielle du prince, c'est de savoir s'entourer de sages conseillers. Et Dagobert, sur ce chapitre, est un bon roi, en ce sens qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Lucide, Dagobert a conscience que le pouvoir lui glisse entre les mains dans ce royaume bouleversé par des ambitions des puissants. S'il doit beaucoup à l'aristocratie austrasienne, à Pépin de Landen et à celui qui deviendra l'évêque de Metz, Saint Arnoux, qui lui ont appris le métier de roi, il s'en méfie et les chasse de sa présence, quitte à se faire passer pour un fou. Arnoul comprend qu'il doit repartir discrètement en Austrasie lorsqu'il entend le roi excessivement sentimental lui dire qu'il tuerait toute sa descendance s'il le quittait. Lorsque Dagobert met sur le trône d'Austrasie son fils de 3 ans, Sigebert, il remplace à la mairie du palais, Pépin de Landen, par Adal Gisèle, qu'il juge moins ambitieux. Par contre, plus confiant dans la loyauté des Neustriens et des anciens serviteurs de son père, il s'entoure de conseillers prestigieux qui viennent de cette région. Le Limousin Éloi, qui deviendra grand argentier du royaume, ainsi que son ami le francilien Ouin, connu sous le nom de Saint-Ouin, référendaire, chef de la chancellerie, c'est-à-dire premier ministre, en charge de superviser la rédaction de tous les textes légaux. Ayant servi Clotaire II, ils servent Dagobert avec le même désintéressement depuis son palais de Clichy. Ils subiront avec une patience admirable les sautes d'humeur d'un roi inconstant dont le comportement parfois tyrannique masque un défaut d'autorité. Dagobert, bon ou mauvais roi? La réponse ne peut qu'être en demi-teinte. L'auteur du Frédéguer, cette chronique qui accompagne la prise de pouvoir des Carolingiens, rédigée pendant la seconde moitié du 8e siècle, compare Dagobert avec le roi de la Bible Salomon. Si son règne a bien commencé, il a très mal fini. n'écoutant que sa passion pour les femmes, il a multiplié les partenaires, rétablissant au passage l'institution des concubines royales. Rennes, Gomatrude, Nantilde de Bobigny et Wulfgonde. S'ajoutent les concubines, Berchilde et Rognatrude, mère de Sigebert, et Ulfgonde. Comme le roi Salomon, poursuit le chroniqueur du Frais des guerres, le royaume franc subira la conséquence de ce péché royal d'infidélité et sera donc partagé, non du vivant de Dagobert, par fidélité à la mémoire de Clovis, mais du vivant de ses fils. Lorsque Dagobert meurt en 639, il laisse deux enfants, Sigebert, 8 ans, et Clovis, 4 ans, à la tête d'un royaume plus que jamais convoité par des maires du palais dont l'ambition personnelle est de moins en moins cachée. Merci et à bientôt.